la voie de la frugalité. Il est au cœur humain, urgente mais ultime, la vertu oubliée de respecter la terre, dont nous ne sommes enfin que simples locataires, qui n'ont que trop joui de droits illégitimes. Mais il faut pour cela, de la voracité, supprimer les excès aux graves conséquences, source d'iniquités et d'infinies nuisances, en empruntant la voie de la frugalité. Les coups se parent d'or, les doigts de diamants, les rues sont parcourues de bolides rageurs, et les prés saturés de poisons ravageurs, sous un ciel impur, se meurent lentement. Où irons-nous demain chercher notre pitance? Parmi les ruines sombres des cités perdues, fébrilement nos mains chercheront éperdues les trop rares débris de l'ancienne opulence. Mangera-t-on nos perles et nos chers joyaux quand partout dans les champs auront pourri les blés? Que boirons-nous au cœur des cités ensablées qu'une acide potion corrompant les boyaux?